entre le regard fixe dans le vide, doucement le verre qui se brise, l'avion qui se dépressurise. De grosses boules lumineuses semblent s'approcher curieuses. Pondéron frappe la coque qui peu à peu se disloque. C'est le bordel, y'a tout qui tombe, les gens crient la fin du monde. Moi je prie pas, c'est pas la peine, j'ai un masque à oxygène. Y'a fou, l'air bleu ça me rend fou, y'a pas, j'en prendrai tous les jours. Waouh, c'est cool, moi j'ai comme tout. Avec un peu de gras, y'a pas grand chose qui passe pas. Y'a fou, l'air bleu ça me rend fou, y'a pas, j'en prendrai tous les jours. Waouh, c'est cool, moi j'ai comme tout. Avec un peu de gras, y'a pas grand chose qui passe pas. Sur leur base, la déco très mauvais goût. Le choix des couleurs sont naze, y'a du jaune, du rose partout. Ils nous triturent les organes avec des mains grosses comme des pieds. Ils nous éjectent à coups de tatane, retour la case, j'ai rien capté. Attache-toi bien, lave-toi les dents. Tu sens le vomi, c'est pas sexy. Tu sens la bière, tu pues les terres, tu vis dans le body au milieu des hamsters. De quoi t'as l'air? Tu persévères, allez c'est comprendre ce que fait les bisons verts. De quoi t'as l'air, tu pèses la terre. Tu sais que de mesure ce sera si que je perds. Tu revois ses sphères, ses petits ailes verts. Ils tournent et ils dansent, ils chantent à l'envers. Tous les jours, waouh, c'est cool, moi je gobe tout. Avec un peu de gras, y'a pas grand chose qui passe pas.